l'avais tout au fond du cœur. Une mes 20 ans pour mon malheur. Quand elle chantait sans hésiter, la croix même je me serais trimballé. Dans mon paradis je lui avais gardé près de moi une place de choix. Pour ses beaux yeux sans doute j'aurais au premier venu filé mon âme. Et voilà, elle est partie. Elle est partie, c'est le que j'aime. La belle Hélène, la belle Hélène. Elle est partie sans me dire un mot. Et moi je vais me foutre à l'eau. Je délirais dans mon calvaire après avoir noyé ma peine. Dans les bistrots des alentours je me raconte mon histoire d'amour. Lorsqu'elle m'emmenait dans les nuages, j'avais pas besoin de retour. Tellement qu'elle soigne le décollage, moi je croyais que ça durerait toujours. Et pourtant, elle est partie, elle est partie. C'est le que j'aime, la belle Hélène, la belle Hélène. Elle est partie sans me dire un mot. Et moi je vais me foutre à l'eau. Faisait un rap de petits plats, avec la tendresse elle foutait. Pour 3 fois rien, l'amour en boîte. Pour tout le temps, moi je le gardais. C'est elle aussi qui m'écoutait. Quand s'en venait la mélancolie, sans que je n'ai rien à demander, c'est elle qui savait me consoler. Et pourtant, elle est partie. Elle est partie, c'est le que j'aime, la belle Hélène, la belle Hélène. Elle est partie, sans me dire un mot, et moi je vais me foutre à l'eau. Elle était venue chez moi sonner, avec son sac et ses paniers. Comme ma porte est toujours ouverte, je me souviens de lui avoir dit de faire. De faire comme eux chez elle et puis on s'est aimé 100 000 nuits. Et le printemps à ma fenêtre fleurissait même en hiver. Mais voilà, elle est partie. Elle est partie, c'est le que j'aime. La belle Hélène, la belle Hélène. Elle est partie sans me dire un mot. Et moi je vais me foutre à l'eau. Et si elle entend cette chanson, je veux qu'elle sache qu'elle peut se ramener. Quand elle voudra dans ma maison, je lui ai mis le bonheur de côté. Peut-être bien que ce sera là-haut, mais je prendrai le temps qu'il faut. Car quelquefois, disait le poète, faut bien rêver au jour de fête. Et demain, elle sera là, elle sera là. C'est le que j'aime, la belle Hélène, la belle Hélène. Elle reviendra me dire un mot, me tendre la main, me sortir de l'eau. Me tendre la main, me sortir de l'eau. Me tendre la main, me sortir de l'eau. Me tendre la main, me sortir de l'eau.